Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique aujourd'hui, chansons et émotions. Une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, donc Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. Et alors bienvenue pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors avant de commencer cette émission, je te souhaite, Dorothée, ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices, une belle et heureuse année. Merci Jérôme, je te souhaite également une belle année 2025, ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices, et surtout une année pleine de sérénité. Eh bien, pour commencer cette nouvelle année, on a voulu concevoir une émission un peu plus légère. En effet, en une année, on a traversé donc beaucoup d'émotions, en sachant que régulièrement, des chansons font écho aux émotions du moment. Alors, la musique a ce pouvoir unique de toucher nos cœurs et d'éveiller en nous une multitude d'émotions, qu'elles soient joyeuses, mélancoliques ou introspectives. Aujourd'hui, nous allons explorer comment des mélodies et des paroles peuvent, des expériences personnelles, nous permettant de revivre des souvenirs ou de ressentir des émotions profonde, alors que ce soit à travers des ballades romantiques, des hymnes à l'amour ou des morceaux plus introspectifs, chaque chanson raconte une histoire qui peut nous toucher de manière donc différente. Alors préparez-vous donc un voyage musical riche en émotions. Alors Dorothée, on va commencer par tes choix. Chacun d'entre nous, nous avons choisi donc trois chansons différentes. Alors, ma première chanson, comme c'est un peu la fête, c'est la nouvelle année, qu'on est encore un peu en train de la célébrer, eh bien, c'est Funky New Year des Eagles. Et voilà, c'est donc très jazzy, très fête pour une année pétillante et joyeuse. Eh bien, on commence tout de suite donc par ton premier coup de cœur. Shows. Broke up, got back together. Voilà, c'était donc ton premier coup de cœur musical, Dorothée. Tu peux me rappeler le titre ? Funky New Year. Ah, voilà, donc une chanson donc très festive en effet. Alors moi, j'ai choisi 3 chansons françaises, contrairement à toi qui as choisi 3 chansons anglo-saxonnes. Ouais. Alors c'est 3 chansons françaises qui illustrent différentes facettes de l'amour, la passion absolue, la nostalgie et une réflexion sentimentale représentant en fait des perspectives émotionnelles riches et nuancées de la chanson française contemporaine. Alors tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous faire diffuser donc l'hymne à l'amour qui est originellement interprété par Édith Piaf, mais qui a été reprise ensuite par Céline Dion. Tu l'as certainement entendu, Dorothée, oui. Lors des Jeux Olympiques. Une cérémonie d'ouverture, oui. Voilà. Alors c'est un hymne puissant à l'amour inconditionnel où l'artiste est prêt à tout pour son amant, même au-delà des frontières physiques et émotionnelles. Alors je vous propose donc tout de suite donc de retrouver cette magnifique chanson interprétée donc par Céline Dion, l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Pensez. Eh bien, magnifique chanson et magnifique interprétation de Céline Dion. On a envie d'applaudir, hein, Dorothée. Ouais, on a envie de se lever même. Voilà, une belle réussite. Donc, l'hymne à l'amour donc, d'Edith Piaf. C'était mon premier coup de cœur musical sur ce thème, donc des chansons et émotions. Alors, Dorothée, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, moi, je vais rester un petit peu dans la même ambiance de la persévérance et de la détermination que Céline. On va partir dans un autre registre, Survivor, The Eye of the Tiger. Voilà, je trouve que c'est un hymne, pour le coup, à la détermination et à avoir du courage, quels que soient les enjeux. Eh bien, j'adore aussi cette chanson. On va retrouver donc tout de suite Survivor, Eyes of the Tiger. Voilà, c'était Survivor, Eyes of the Tiger. Vous êtes bien sûr Radio Fadjet, vous écoutez l'instant présent. Et pour cette émission de la rentrée, on a voulu faire une émission un peu plus légère en écoutant chansons, donc mêlant donc émotions. Et pour mon deuxième coup de cœur, après L'hymne à l'amour d'Edith Piaf et bien et de Céline Dion, je vais vous proposer donc À fleur de toi de Slimane. Une chanson qui a été interprétée au départ par Vita en 2007. Alors quelquefois, effectivement, les histoires d'amour se terminent mal. Et donc justement, Slimane raconte une histoire d'amour difficile à oublier. La chanson évoque un amour passé qui persiste malgré une nouvelle relation. Alors Slimane a réussi à faire une telle émotion à travers son interprétation que je vous propose donc tout de suite d'écouter cette version donc À fleur de toi interprétée par Slimane. Les jours passent mais ça ne compte pas. J'ai tant de mal à vivre ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt un an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as aimé. J'essaie de t'oublier avec une autre qui tente en vain de racheter tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Elle a tenté de me consoler, même si elle n'a pas tes mots ni ton passé, c'est vrai. Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je hais. Elle a séché toutes mes larmes, tu sais. Elle a ramassé tes pots cassés. Et elle a réglé tout, tes impayés, tes impostures, tes ratures, tout ce que tu m'as laissé. Elle m'aime comme une folle, elle me connaît par cœur. Elle me dit je t'aime parfois durant des heures. Mais elle ne sent pas ton odeur, pourquoi je te respire dans ses bras. Sors de mes pensées. Voilà, donc c'était Slimane à fleur de toi. Alors, j'espère que vous passez tous un bon moment avec nous sur le thème de la chanson et des émotions. Et en fait, je voulais dire un petit mot sur la musique. La musique, c'est pas juste de la musique, c'est aussi quelque part de la magie qui peut conjurer des émotions dont parfois on ignorait jusqu'à l'existence et faire naître à la vie des sentiments que l'on pensait éteints à jamais. Alors, c'est un peu comme un voyage dans le temps. La musique est capable de nous transporter à une époque, à d'autres endroits, avec une telle précision qu'on revoit les bandes de basket qu'on n'a plus vues depuis longtemps, qu'on entend piépier les oiseaux envolés depuis longtemps et qu'on va jusqu'à sentir l'odeur de vinaigre des chips de l'été précédent. Et lorsque toutes ces émotions, ces souvenirs surviennent par le biais d'un objet concret et pas seulement d'un MP3, eh bien la magie est encore plus forte. L'objet concret, c'est la pochette de disque que l'on retrouve, ou bien la pochette du CD, ou autre chose. Donc ces paroles, en fait, sont extraites de Hayley Long, qui est une auteure anglaise, donc encore anglo-saxon. Et en fait, c'est un passage qui est tiré du livre Lola Rose. Et je voulais voilà, simplement vous le lire et vous le partager, parce que, eh bien, elle montre le pouvoir évocateur de la musique, et notamment dans ce livre, à travers le rôle que la musique peut jouer dans le processus, notamment de la tristesse. Et sur ce, nous allons donc enchaîner avec justement un titre que j'aime beaucoup, qui permet de vivre, de traverser une tristesse douce et réfléchie, avec donc des accents mélancoliques. C'est donc The Funeral et c'est Band of Horses. Thank you. Alors nous avons décidé donc ce mois-ci de mêler chanson et émotion, et mon troisième et dernier coup de cœur, eh bien c'est une chanson donc interprétée par Icar et Ancilla, Que veux-tu que je te dise, qui explore la mélancolie d'une relation passée avec des réflexions sur le temps qui passe et les souvenirs qui persistent. Un très joli texte signé Icar. Je vous propose donc tout de suite d'écouter cette chanson Que veux-tu que je te dise. Comment tu vas? Ça fait longtemps, moi je vais bien. Je prends soin de moi, je mange bien. Je cours et à la fin du jour, je suis épuisé mais heureux. Je crois même que je suis amoureux. Comment tu vas? C'est vrai que t'as l'air d'aller bien. Drôle de te croiser en chemin. Je suis pas coiffée, j'ai l'air d'une folle. Je vais chercher ma fille à l'école. Je pense que je suis pas malheureuse. Mais est-ce que parfois, alors que tout va bien, un ange passe chez toi et te prend par la main. Tout refait surface et parfois ça fait peur. Un ange passe chez moi et me pince le cœur. Que veux-tu que je te dise? Parfois les souvenirs nous prennent par surprise. Et on fait quoi? Que veux-tu que je te dise? Un parfum lié, une couleur et on s'enlise. Je pense à toi. Comment tu vas? Tu sais qu'en vrai t'as pas changé. C'est le temps qui nous a décoiffés. Et pour survivre à nos hier, on a dû mettre des œillères. Fallait mieux pas se retourner. Oui, mais parfois, alors que tout va bien, un ange passe chez toi et te prend par la main. Ça refait surface et parfois ça fait peur. Un ange passe chez moi et me pince le cœur. Que veux-tu que je te dise? Parfois les souvenirs nous prennent par surprise. Et on fait quoi? Que veux-tu que je te dise? Un parfum lié, une couleur et on s'enlise. Je pense à toi. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Moi, je vais bien. Prends soin de toi et mange bien. Voilà, c'est avec donc Icar et Ancilla, avec cette chanson « Que veux-tu que je te dise » que nos choix musicaux effectivement se terminent pour cette émission consacrée à la chanson et aux émotions. Alors pour terminer l'émission, on a l'habitude de vous évoquer donc des phrases motivantes. Alors donc Dorothée, quel a été ton choix pour cette émission consacrée aux émotions? Une vie sans émotion est une vie perdue. C'est de Roger Fournier. très belle phrase. Et moi, j'ai celle-ci, donc de Jack Carlfield. Les choses les plus importantes de notre vie ne sont pas extraordinaires ou grandioses. Ce sont les moments où nous nous sentons touchés l'un par l'autre. Exactement. Voilà, alors j'espère que ce choix musical vous a plu. Et maintenant, nous vous invitons à réfléchir aux chansons qui ont marqué votre vie et aux émotions qu'elles évoquent, et de nous en faire part donc en nous vous connectant sur le site de Facebook de Radio Fadjet. Et donc, si vous avez pris donc l'émission en cours, n'hésitez pas donc à nous retrouver donc sur le site de la radio, donc puisque nos émissions sont en replay. Alors, pour terminer cette émission, on va écouter une dernière chanson sur les émotions et sur l'amour, Dorothée. Oui, tout à fait. Et quoi de mieux que de commencer l'année avec cette belle émotion qui transcende toutes les autres, l'amour. Et donc, on vous propose d'écouter la chanson de Marcel Mouloudji, mais version bon entendeur, l'amour, l'amour, l'amour. Eh bien, on termine avec cette très belle chanson. L'amour, l'amour, dont on parle toujours, printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune.